Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, exploration des profondeurs de ce qui en termes d'humanité se fait de plus sombre, de plus abyssal, pour ne pas dire de plus effroyable, le serial killer. Le genre de personnage qu'on surnomme, pour éviter de leur offrir un profil trop humain. Celui dont nous allons décortiquer le parcours se nomme Lonnie Franklin Jr., alias The Green Sleep, le faucheur en embuscade, entre autres, car on lui a donné plusieurs surnoms. C'est aux États-Unis que nous allons le rencontrer, plus exactement à Los Angeles, dans le quartier le plus pauvre et le plus abandonné du sud-sud-est de la Californie, South Central, juste en face du quartier qui incarne tout le contraire, et tout de l'amour du rêve américain Beverly Hills. C'est donc là que la communauté afro-américaine a été cantonnée pendant des années à South Central. C'est aussi là que se concentrent la pauvreté, le chômage, la drogue, la guerre des gangs, les prostituées. Cette atmosphère est évidemment un terreau propice au développement des violences les plus dramatiques. Le terrain de chasse idéal pour celui qui deviendra 25 ans après son premier crime, le plus grand serial killer de l'histoire criminelle de la Californie. Notre invité aujourd'hui, Cécile Delarue, journaliste, auteur du livre intitulé « Blackout, les disparus de South Central ». Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet et Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À Los Angeles, les détectives ont arrêté un ancien mécanicien de la police âgé de 57 ans en lien avec les meurtres de 10 personnes. Aux environs de 9h20, nous avons arrêté au coin de la 17e et de la 81e le suspect surnommé The Grim Sleeper. Le suspect est Lonnie David Franklin. J'espérais vivre assez longtemps pour le voir arrêté, donc je suis juste heureuse que ce jour soit arrivé. Il y a de quoi se réjouir. Ils vont le boucler pour un moment. Ça avait l'air d'être un gars sympa. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'il y avait un meurtrier dans un environnement aussi proche. On le voyait souvent, c'était un mec sympa. J'ai 4 enfants, 8 nièces et neveux. On vient ici à vélo. On n'aurait jamais pensé qu'il y ait ici un serial killer. Qu'est-ce que je peux dire? C'est effrayant. Ce soir, les détectives de la cellule des affaires classées peuvent désormais imaginer que d'autres dossiers puissent être résolus. À Los Angeles, Neil Kalansky pour Nightline. Los Angeles. 7 juillet 2010, 9h20. Dans le quartier pavillonnaire de la 81e rue, deux policiers se présentent à la porte d'une petite maison vert pâle. Le temps est doux, la journée s'annonce plaisante. Dennis Kilcoyne, détective au LAPD, Los Angeles Police Department, frappe à la porte. 3 ans qu'il travaille sur cette piste, 25 ans d'enquête policière qui n'ont mené qu'à des impasses, 30 heures qu'il attend de vivre cet instant. Un homme ouvre aux deux policiers. Il se nomme Lonnie Franklin Jr., un afro-américain d'une cinquantaine d'années, à l'allure bonhomme. Rien ne transparaît sur son visage, ni surprise, ni émotion, pas même cette banale interrogation de l'homme innocent. Enfin, pourquoi des policiers frappent-ils à ma porte un matin d'été? Dennis Kilcoyne le sent, c'est son homme, celui que la presse locale a surnommé The Grim Sleeper, celui qui, durant un quart de siècle, a tué toutes ces femmes sans jamais avoir été, ne serait-ce que suspecté. Le détective prend sa respiration et dans un souffle précis et sobre se lance. Lonnie David Franklin Jr., vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, viol et tentative de meurtre en la personne d'Enietra Washington. L'homme ne bronche pas, n'invective pas, ne se rebelle pas, non. Il prend sa veste, ferme la porte et se met à la disposition de la police. Le 7 juillet 2010, à 9h30, le meurtrier de plus de 17 femmes, toutes afro-américaines et toutes de South Central, est arrêté dans sa course funeste. Début d'une longue affaire judiciaire pour les familles des victimes, fin d'une longue traque effrénée pour le faucheur d'embuscade. août 1985, Deborah Jackson quitte la maison d'un ami. Elle rentre chez elle en bus. À la tombée de la nuit, la violence prend ses quartiers, l'insécurité impose sa loi, les drogués traînent à la recherche de leur dose, les prostituées arpentent le bitume, les échanges de coups de feu entre gangs rivaux commencent. Le climat n'est pas vraiment serein, mais pour la serveuse, la prudence est une seconde nature. À 29 ans, elle a la vie devant elle, elle ne prendra donc aucun risque. La peur n'écarte pas le danger, dit-on. La vigilance n'est pas non plus une assurance vie. Quelques jours plus tard, on retrouvera le cadavre de la jeune femme dans une allée proche de Westgate Avenue. Son corps abandonné au milieu des détritus porte les stigmates de 3 coups de revolver dans la poitrine. Une victime de plus dans le quartier le plus déshérité, le plus criminogène de Los Angeles. Un quartier gangréné par une épidémie de crack que les autorités ne parviennent pas à endiguer. Comme en témoigne le détective Darin Dupree, membre de la cellule des crimes non élucidés du LAPD, et Donna Harris, une habitante du quartier. Ayant grandi dans le coin, et après 20 ans dans la police, on parle de centaines de cas, de centaines de filles. C'est à cause de l'invasion du crack dans la zone dans les années 80-83. T'avais besoin d'une dose toutes les 15-20 minutes, t'étais obligé de sortir, de faire du fric très vite, $5-$10, t'allais chez le dealer, t'achetais, tu prenais ta dose et rebelote. Ouais, c'était vraiment triste. C'est pour ça qu'on voit tant de gens ici avec des portails noirs, des barreaux aux fenêtres, les jardins fermés, parce que ça dealait dans la rue. Il y avait des prostituées, des vols de voitures, plein de trucs du genre il y a 20 ans. C'était vraiment pourri. 911, what's the nature of your emergency? Le LAPD ouvre une enquête sur le cas d'Ebra Jackson, mais les investigations tournent court. Les meurtres sont trop nombreux et personne ne veut lui signaler sa disparition. Certes, depuis les émeutes interraciales de 1965, les Noirs ont désormais le droit de vivre ailleurs que dans le sud de Los Angeles, mais les mentalités n'ont pas vraiment évolué. Et lorsque les familles des victimes expliquent l'indifférence de la justice envers les crimes et délits racistes, le LAPD avance un argument de poids, le manque de moyens. Et c'est un fait. Les effectifs policiers de South Central sont exactement les mêmes qu'à Hollywood, alors que la population y est 4 fois plus nombreuse. Tous les quartiers n'ont pas la chance d'être l'incarnation du rêve américain. Une situation intenable quand on sait qu'il y a 3 fois plus de crimes à South Central et qu'il peut y avoir jusqu'à 4 assassinats en un week-end. En 1987, il y a même eu 151 meurtres, environ un tous les 2 jours. La vérité judiciaire a donc un prix que l'État de Californie n'est pas encore prêt à payer. Une situation ahurissante, à l'image de ce que raconte cet enquêteur. C'était la période la plus violente de l'histoire de la ville. Le nombre d'homicides, de tueries était à son maximum. Une année, il y a eu tellement de meurtres qu'on a dû fermer le service des homicides pour leur permettre de concentrer leur travail sur les cas déjà existants. Et tous les nouveaux cas ont été renvoyés vers d'autres services. Alors, les dossiers s'accumulent sur les bureaux du LAPD, les meurtres sont noyés dans la masse. Cependant, parmi ces crimes perpétrés, une récurrence troublante ressort. Certains cadavres de femmes ont un profil identique. Deborah Jackson ne serait que la première d'une liste qui, pendant les 8 prochaines années, ne va cesser de s'allonger. De fait, le 12 août 1986, Henrietta Wright, 35 ans, est retrouvée morte dans une ruelle du sud de Los Angeles. Les pieds nus, bâillonnés, enveloppés dans une couverture et recouvertes d'un matelas, elle a reçu 2 balles dans la poitrine. Le 10 janvier 1987, le corps de Barbara Ware, 23 ans, est découvert dans une ruelle sous une pile de déchets. Elle est morte d'une balle dans la poitrine. Quelques mètres plus loin, le 15 avril 1987, on découvre le cadavre de Bernita Sparks, 26 ans. Elle est sortie pour acheter un paquet de cigarettes, elle n'est jamais revenue. Son cadavre a été retrouvé le lendemain dans une poubelle. Elle a été battue, étranglée et blessée par balle. à la poitrine. Tard dans la nuit d'Halloween, le 31 octobre 1987, Mary Lowe, 26 ans, se rend à une fête. Son corps est retrouvé le lendemain matin par un SDF dans une ruelle excentrée. Elle a reçu une balle dans la poitrine. Larissa Jefferson, 22 ans, retrouvée, elle, le 30 janvier 1988. Même chose. Et c'est dans une venelle qu'on l'a retrouvée. Sur son corps, un torchon était posé sur lequel on avait écrit le mot « Sida ». 9 mois plus tard, le 11 septembre 1988, c'est la même arme qui tue Alicia Alexander, 18 ans. Avant de sortir, la jeune fille demande à son père s'il a besoin de quelque chose au liquor store. « Non, rien », lui répond-il, « si ce n'est qu'elle soit prudente et qu'elle revienne vite ». Comme vous le savez, elle venait d'avoir 18 ans. Elle m'a dit, je vais au magasin et je rentre vite. Je lui ai dit, s'il te plaît, rentre, je serai là et fais bien attention à toi. Ma femme et moi, on était sur le canapé. Et c'est la dernière fois que j'ai vu ma fille. Alice ne reviendra jamais. Pas plus que Mary, Barbara, Henrietta, Bernita ou Larissa. Toutes ont été retrouvées dans des ruelles sombres, abandonnées parmi des déchets. Toutes tuées de manière violente. Toutes afro-américaines. Un mode opératoire identique qui laisse peu de place au doute. Un serial killer rôde dans les rues de Los Angeles. Alors même si les forces de l'ordre n'ont pas assez d'éléments pour trouver le tueur, qu'attendent-ils pour avertir les familles et alerter la population du danger ? L'indifférence des autorités, Margaret Prescott, la militante, la vit comme un mépris pour les populations noires. Alors, à cette attitude, elle répond par l'activisme. Ça fait trop longtemps que la résolution des meurtres de femmes noires de Los Angeles est sacrifiée sur l'autel de la négligence. Face à la multiplication des meurtres et l'inertie des pouvoirs publics, la jeune afro-américaine décide de prendre les choses en main et crée en 1986 le Black Coalition Fighting Black Serial Murders. S'il vous plaît, ça fait 3 ans qu'il tue. Le jour du Memorial Day, cette fille qui était à l'école élémentaire de la 68e rue a été sa 17e victime. Toutes les femmes ont été retrouvées, étranglées ou poignardées, leur corps abandonné. En janvier, une équipe spéciale a été mise en place pour traquer leur assassin. Un mois plus tard, la coalition noire contre les tueurs en série a été créée. On était outrés, scandalisés, car 11 ou 12 femmes avaient déjà été tuées avant qu'ils n'en parlent. Quand on a dit que ça nous inquiétait, ils nous ont demandé en quoi ça nous concernait. On était choqués. Et ils nous ont dit, mais pourquoi ? Il ne tue que des putes. Le 10 janvier 1987, sous la pression, le LAPD ouvre une unité spéciale dédiée à tous ces crimes non élucidés, la Prostitute Killer Task Force. Elle mettra en correspondance 3 cas de meurtre de femmes, toutes tuées par le même pistolet de calibre 25. Donc, par un seul et même homme, oui. Mais lequel ? À l'époque, 5 ou 6 serial killers sévissent sur le même territoire. Allô, police, j'écoute. Oui, j'aimerais signaler un meurtre dont le corps a été abandonné. Où ça ? L'adresse, c'est 3046 Est 60e rue à L.A. Quelques semaines après la création de cette cellule spéciale, un homme appelle le 911. C'est le numéro commun aux urgences médicales et policières. Il est minuit passé, la voix est hésitante mais assez claire. L'homme affirme avoir vu quelqu'un jeter le corps d'une femme depuis un van bleu, puis déverser sur elle un jerrycan d'essence. Il l'a jeté, un réservoir d'essence sur elle et on voit juste dépasser un pied. 1-T-V-T-7-4-6. Et quel est votre nom ? Hein ? Votre nom ? Non, je ne peux pas le dire, je connais trop de monde. Ok, au revoir. Au revoir. Dans la foulée, les enquêteurs se rendent sur place et découvrent le corps sans vie de Barbara Ware, exactement tel que l'a décrit le correspondant anonyme. « C'est donc une piste prometteuse. Les enquêteurs partent alors à la recherche de véhicules. En moins d'une heure, ils le retrouvent garé devant une église, le moteur est encore chaud. Quand les fidèles sortent de la messe, ils se présentent et interrogent tout le monde. Une femme leur explique que c'est elle qui a conduit l'estafette pour transporter le petit groupe jusqu'ici. Elle prétend ne rien savoir de ce meurtre et après enquête, elle est mise hors de cause. Un nouvel échec qui va être encore pacifié par deux mystères. Tout d'abord la voiture. Les traces qui ont été retrouvées près du corps ne correspondent pas au véhicule décrit par l'homme au téléphone. Et puis, surtout, à minuit, la ruelle est plongée dans l'obscurité la plus totale. Comment, dans ces conditions, l'informateur aurait-il pu voir la plaque d'immatriculation ? Le 17 janvier 1987, 7 jours après la découverte du corps de Barbara Ware et moins d'un an après la création de cette cellule de crise, le shérif décide d'arrêter les investigations. Mais un nouvel élément va faire rebondir l'affaire. Le 20 novembre 1988, Enyetra Washington, 30 ans, se rend chez une amie fêtée Thanksgiving. Un type l'aborde en voiture, une Ford Pinto orange, la classe. On dirait une petite Mustang, oui, comme celle que conduit Sabrina, l'une des trois drôles de dames de Charlie's Angel, le genre de véhicule qu'on croise plutôt à Hollywood qu'à South Central. Pour Enyetra, cette touche de glamour au cœur d'une cité aussi sombre entame un peu son habituelle prudence. L'homme lui propose de l'accompagner, les rues ne sont pas très sûres, surtout la nuit. Elle décline l'invitation. Mais quand il lui dit « C'est quoi votre problème à vous les femmes noires? Pourquoi vous vous jouez toujours au dur ?» Eh bien elle cède et monte dans la voiture. L'intérieur, oh, aussi beau que l'extérieur, les sièges sont en peau de mouton retourné blanc, superbe. Et Yetra est transportée, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, ça se passe plutôt bien, l'homme lui dit qu'il va la déposer à sa fête, mais il doit d'abord passer chez son oncle, prendre de l'argent, ce sera rapide, bon très bien. Sa méfiance est anesthésiée, parce que le type revient, redémarre la voiture, murmure quelque chose en fouillant dans sa boîte à gants, et il lui tire dessus, à bout portant. Encore en vue, la sidération, la tétanise. Puis, elle aperçoit la blessure et lui demande, enfin, mais pourquoi tu m'as tiré dessus? Pourquoi? Emmène-moi quelque part pour me faire soigner. Mais le choc est trop rude, et Enyetra s'évanouit. Un poids sur sa poitrine la réveille dans une demi-conscience. Elle l'aperçoit, il est sur elle, haletant. Après l'avoir violé, il se remet au volant. Enyetra gît inconsciente à la place du mort, l'homme redémarre la Ford Pinto, ouvre la porte côté passager et la jette dans la rue. Tout était vraiment calme et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai tourné ma tête et je me suis dit, putain, on t'a tiré dessus. J'ai dit, ah, tu m'as tiré dessus. J'étais dans les vapes. Ouais, j'étais inconsciente, mais j'ai quand même senti une pression sur moi. Et il était sur moi et il me battait. À quel moment vous a-t-il violé? Je sais pas, j'avais perdu connaissance, mais je sentais la pression sur ma poitrine qui m'a fait tant de mal. Il vous violait? Probablement, je le repoussais. L'agresseur est persuadé que sa victime est morte. Mais la balle n'a touché aucune partie vitale. Enyetra se relève et parvient à atteindre la maison d'une amie qui vit dans le quartier. Elle s'écroule sur le perron. Son hôte la découvre à 1h du matin, inconsciente, en sang. Sur son lit d'hôpital, Enyetra Washington raconte tout aux policiers. Elle dresse le portrait robot de l'homme. Visage anguleux, la trentaine, dreadlock, courte et polo noir. À sa sortie, elle les emmène à l'angle de Western et de la 81e rue pour retrouver la maison où le type s'est arrêté. Les policiers s'y rendent, bien sûr, interrogent la locataire. C'est une crack house, comme il en fleurit partout dans le quartier. Alcool, prostitution, drogue. Il y a tout ici, sauf le tueur. Voilà, malgré le portrait robot, malgré la Ford Pinto orange, malgré la localisation d'une maison, la trace de l'homme s'arrête là. Et la piste va rester en sommeil pendant presque 15 ans. Like I don't have a partner. Sometimes I feel like My only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day, or take me to the place I love. Nous sommes en 2006. Christine Pelissek est une jeune journaliste d'origine canadienne. Elle est venue à Los Angeles pour les vacances. Elle n'en est jamais repartie. Il faut dire que Christine est une dingue de faits divers. Alors ici, elle est servie. Entre Hollywood, capitale des séries de télé, et South Central, où il ne se passe pas une semaine sans un crime, la ville est faite pour cette jeune reporter. Quand elle arrive, elle postule au Los Angeles Weekly. Et écume les postes de police à la recherche d'un sujet. C'est à la morgue que son carrière commence. Un médecin légiste lui parle fortuitement d'une liste. Une affaire ancienne qui traîne son cortège de corps jetés dans des poubelles ou des coins sombres. Les corps de 38 femmes noires. Pendant des jours et des nuits, la journaliste cherche et trouve deux crimes. Valerie McCorvey, 35 ans, étranglée le 11 juillet 2003 dans une allée de la 108e, non loin de Western. Et Princess Berthomieu, 15 ans, retrouvée 3 km plus loin, nue et cachée dans un buisson d'une allée d'Inglewood, le 9 mars 2002. Sur ces deux corps, la même trace d'ADN qui matche avec des noms qu'elle n'a pas sur sa liste. Et pour cause, leur mort remonte à 1985... Debra Jackson est la plus ancienne. Mine de rien, Christine vient de déterrer une affaire vieille de 20 ans, ce qu'on appelle un cold case, dont personne n'a jamais entendu parler. Un serial killer sévit à Los Angeles depuis les années 80 et semble s'être arrêté une quinzaine d'années. C'est ce silence de 14 ans, exactement, qui va inspirer la journaliste. Elle le surnommera « The Grim Sleeper ». Grim pour Grim Reaper, la grande faucheuse, et Sleep pour les années de sommeil. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. L'article fait l'effet d'une bombe au sein du groupe de recherche, en sommeil lui aussi. Le LAPD s'active et ouvre une nouvelle cellule de crise entièrement dédiée à ce tueur, la 800 Task Force. Quel est le point commun entre les victimes ? Le plus terrible, c'est qu'elles vivaient dans la même zone, le sud de Los Angeles. Je ne dirais pas que ce sont des prostituées, mais elles avaient certainement des problèmes de drogue. Elles étaient paumées. C'était des cibles faciles. Devant l'agitation médiatique et l'intérêt soudain pour le tueur toujours en liberté, Dennis Kilcoyne, le chef d'équipe, décide de changer radicalement de stratégie. Il faut mettre l'affaire en lumière. Kilcoyne et les flics de son équipe en parlent dans les médias, appellent à témoignages dans une émission type perdue de vue pour récolter le plus d'informations possible. Même la ville de Los Angeles se mobilise, offrant une récompense de $500,000 à quiconque donnerait des informations sur le tueur. C'est la somme la plus forte que la ville ait jamais proposée. Des panneaux publicitaires, les billboards, affichant un numéro d'appel, et les photos des victimes se dressent aux endroits où les corps ont été découverts. Les policiers refont le seul trajet du tueur qu'ils connaissent grâce au témoignage d'Enietra Washington, la survivante. En décembre 2009, ils retravaillent même le portrait robot qu'elle avait dressé 20 ans plus tôt à trois âges différents, car forcément, l'homme a vieilli. Mais aucune de ces nouvelles pistes ne fonctionne. Désespérés, les policiers décident d'avoir recours une fois de plus aux recherches ADN. Rien n'en ressort non plus. Bref, la cellule 800 est à deux doigts de baisser les bras. Jusqu'à ce que Dennis Kilcoyne entende parler de l'ADN parentel. Un an plus tôt, une nouvelle technique de recherche génétique vient d'être autorisée en Californie, l'investigation familiale. Elle consiste à lancer une recherche sans avoir préalablement défini une cible. On part de l'ADN commun aux victimes et on le compare à toutes les empreintes génétiques enregistrées dans le fichier policier californien. C'est une expérience inédite à l'époque, qui coûte $500,000. Mais la cellule trouve le budget et un espoir renaît. On tente l'analyse. Rien. L'ADN du tueur reste sans correspondance. Dennis Kilcoyne et son équipe n'en reviennent pas. Un homme tue des dizaines de femmes sur une période de 25 ans et il reste introuvable. En mai 2010, à deux doigts de la retraite, Kilcoyne réussit à convaincre ses supérieurs de refaire une nouvelle recherche ADN par parentèle. Un mois se passe sans qu'aucun résultat ne lui parvienne. Il n'y croit plus. Et puis, un mercredi après-midi, la généticienne l'appelle et lui dit « Ça a marché. Je ne peux rien te dire de plus. » C'est confidentiel, il faut qu'on se voit. Ça s'appelle l'ADN familial, parce que ça n'est pas l'ADN d'un suspect potentiel, mais celui d'une personne vraiment très proche. La Californie et le Colorado sont les seuls États qui autorisent les recherches sur l'ADN familial, mais l'affaire du Grim Sleeper change la donne. C'est un vrai tournant. Ça a changé la façon de faire des policiers aux États-Unis. Après les heures interminables, la spécialiste lui tend un papier et un nom. Christopher Franklin, arrêté pour possession d'armes. Il partage beaucoup de gènes avec le tueur recherché, mais à 35 ans, en 2010, il est impossible qu'il ait pu tuer en 1985. Alors, qui ? Un oncle, un père ? À ce niveau d'enquête, on ne peut pas en rester aux suppositions. Il faut des certitudes, il faut l'ADN du père. On ne sait jamais si Christopher était un enfant adopté. Les enquêteurs vont donc tout mettre en œuvre pour tenter de récupérer une trace ADN. Un lundi après-midi, après trois jours de filature et d'écoute téléphonique, Lonnie prend sa voiture, sort de Los Angeles et file dans le comté d'Orange. Il s'arrête dans une pizzeria. Il est invité à l'anniversaire de la fille d'un ami. Pour la police, c'est l'occasion jamais. En moins de deux, un des flics entre dans les cuisines de la pizzeria, enfile un costume de serveur et file en salle. Lonnie est là, insouciant. Tout ce que Lonnie touche, le flic le récupère. Tout ce que Lonnie jette, le flic le met de côté. À la fin du goûter, tout le monde se sépare. Lonnie rentre chez lui. Le policier serveur fonce au laboratoire d'analyse génétique. En fait, les policiers sont arrivés avec plein de choses. Il y avait des tranches de pizza, une fourchette, une serviette. Au total, 8 trucs différents qu'on nous a soumis. Et c'était suffisant. Oui. Le détective Kilcoyne va vivre les 30 heures les plus longues de toute sa carrière. Pendant qu'il attend au bureau, l'enquêteur Coulter attend devant la maison du juge. Il veut être sur place pour faire signer le mandat d'arrêt tout de suite. Et puis à 7 heures du matin... Coup de téléphone, it's your guy. Parmi tous ceux qu'ils ont récupérés, de l'ADN a été retrouvé sur un bout de pizza entamé. Un bout de pizza. L'absurdité de cette preuve. Voilà celui qui jetait ses victimes dans les poubelles, confondu par un déchet. Après toutes ces années, la justice a finalement été rendue. Diana Ware a 23 ans quand elle croise le chemin du tueur Franklin en 1987. Elle est retrouvée avec une balle dans la poitrine, ensevelie sous les ordures, dans une allée du sud de Los Angeles. Je voulais pouvoir dire devant un tribunal, c'était quelqu'un qui était aimé. C'était pas un détritus qu'on jette. Aujourd'hui, ce sera un soulagement. J'étais à la maison quand j'ai entendu la nouvelle. J'étais sous le choc. Je pensais pas que c'était si long, mais je ne savais pas grand-chose. Et j'ai appris ça en 2008 à la télévision. Mais la police ne vous a pas appelé avant ? Non. Non. Lonnie Franklin J.R. est donc arrêté par le chef de la cellule 800 à 9h20 du matin le 7 juillet 2010, après 25 ans de cavale meurtrière. Il a 58 ans, c'est un homme d'apparence tranquille, qui a grandi à South Central, qui vit depuis des années dans la même maison de la 81e, à deux pas de l'angle avec Western, à trois maisons de celle qu'Enietra Washington avait montrée à la police. Il est marié, père de deux grands enfants. Les voisins le décrivent comme un homme serviable, plutôt sympa d'ailleurs, sans histoire, évidemment. Dans les séries télé aux States, les serial killers ont tous des tronches de psychopathes. Dans la réalité, ils ont la tête de Monsieur Tout-le-Monde. Celui-là était mécanicien de formation, il réparait les voitures gratuitement. Qui ne rêverait pas d'un voisin pareil? Une autre dresse un portrait tout de même plus mitigé. Notamment quand il parlait des femmes, il avait des mots très orduriers. « Cette meuf, c'est une pute, une strawberry, une craquée », disait-il. Côté boulot, il a écumé pendant 9 ans les rues de la ville et de son quartier aux petites heures du jour pour ramasser les poubelles. Il était éboueur dans une entreprise de la ville dans les années 80. Mais le plus intrigant, c'est certainement l'année où il a travaillé comme assistant dans un garage. C'était son premier job officiel, il était assistant au commissariat de la 77e rue. Oui, commissariat, celui de South Central. Et pendant que 150 policiers fouillent la maison, les enquêteurs l'interrogent. Franklin. Monsieur Franklin, nous avons un problème de taille. Le 7 juillet 2007, vous étiez conscient qu'il y avait un problème depuis au moins 25 ans. Vous avez pisté, enlevé ces femmes, en pleine nuit, vous avez abusé d'elles, vous les avez tuées, et vous avez jeté leurs corps dans les allées de Los Angeles, souvent très près de chez vous. Elles étaient peut-être paumées, peut-être droguées. Quoi qu'il en soit, il y avait des gens qui les aimaient. Et quelqu'un a laissé son ADN, l'empreinte digitale de son pouce, sur la petite fille de ces gens. C'est vous. Vous avez laissé votre trace partout, sur chacune d'entre elles. Et maintenant, la science vous rattrape. Monsieur Franklin, votre signature est sur toutes ces jeunes femmes. Impossible de le nier. Vous ne vous en sortirez pas. Vous devez réagir et nous dire ce qui s'est passé et pourquoi, comment c'est arrivé. Un seul ADN sur cette terre relie ces femmes sur cette période de 25 ans. Je ne sais rien. J'ai pas été avec ces filles. Je vois pas comment mon ADN. Vous rigolez, il n'y a rien de drôle. Je sais pas. Lonnie Franklin J.R. garde le silence et nie. Il n'a rien fait, c'est pas lui, c'est un autre. Du reste, il ne connaît pas ses femmes. Pourtant, dans son garage, où personne n'avait le droit d'accéder, les enquêteurs retrouvent 180 photos de femmes noires, dans des positions parfois suggestives, parfois ayant l'air endormies. Ces photos sont dévoilées au grand public et certaines parmi celles qui ont été prises par Lonnie se manifestent. Il aimait bien prendre des photos un peu érotiques pour lui, mais surtout il les payait. 14 nouvelles victimes ont ainsi pu être détectées. Quand les policiers qui interrogent Lonnie lui font le compte rendu de ce qui se passe chez lui, il continue de nier, il ne semble ne rien ressentir. Le jeudi 18 février 2016 à Los Angeles s'ouvre enfin le procès du Grim Sleeper. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi avez-vous fait ça, toutes ces femmes? Après y avoir pensé, j'en suis arrivée à cette conclusion. Ça n'est pas important de savoir pourquoi. Je crois que la société a le droit d'affirmer que quelqu'un qui a commis des crimes aussi horribles que sont ces crimes, la société a le droit de dire que cette personne doit être punie pour protéger les autres, qu'elle ne mérite pas de continuer à vivre. Mais ça n'est pas de la vengeance, c'est la justice, Monsieur Franklin. Et donc, j'affirme à présent que, par la présente, je demande au directeur de la prison de Saint-Quentin, Californie, de renouveler la détention de M. Lonnie David Franklin Jr. en attendant le verdict final de cette cour et de rendre effectif ce verdict au jour qui sera décidé dans la prison d'État où vous serez, en temps voulu, exécuté. Lonnie Franklin, Jr., 64 ans, est condamné à mort. Il ne bronche pas même un clignement d'œil, rien. À peine étouffe-t-il un imperceptible soupir au mot « death », mort. La sentence est prononcée le 10 août 2016 par la juge à la Cour suprême de Los Angeles, Kathleen Kennedy. Un soulagement pour les familles des victimes, comme pour la survivante qui tous accompagne le verdict d'applaudissements discrets. Applaudir est le signe de leur délivrance, la certitude que l'homme ne tuera plus. Et ce, même s'ils savent qu'ils n'auront jamais de réponse à cette question fondamentale pour leur reconstruction, pourquoi ? Aujourd'hui, Lonnie Franklin Jr. croupit à la prison surchargée de San Quentin dans les couloirs de l'antichambre de la mort. The Grim Sleeper attend une exécution qui n'arrivera certainement jamais. Car si l'État de Californie prononce encore 20 peines de mort par an, il ne les applique plus depuis 2006. La Californie ne veut pas être, elle non plus, serial killer. Conception, I transform like this, perform like this. Wish y'all you a new weapon. I don't contemplate, I meditate. Then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness. I just kill shit 'cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tire skirt, the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side a jellyfish, I gauge. See, my pedigree most definitely don't tolerate. Shit I been through probably offend you. This is Parler's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead, redemption, scholars, fathers, dead with kids, and I wish fed forgiveness. Yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate, and I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial, extrovert, and exit lit mean an extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff gonna be this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is why I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. I live about my fucking life. Sex, money, murder, DNA. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Blackout, les disparus de South Central. Notre invitée, Cécile Delarue, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et documentariste indépendante. Vous avez travaillé pour France 2, l'émission Complément d'enquête, pour TF1, BFM ou encore 13e rue. Puis pour la presse écrite, notamment Marie-Claire et Grazia. Vous vivez à Los Angeles. Oui. Et c'est là que vous avez découvert, puis enquêté sur ce fait divers hallucinant. Et de ce travail, vous avez écrit ce livre passionnant qui s'appelle Blackout, les disparus de South Central, aux éditions Plein jour. On va revenir au début, votre arrivée à Los Angeles, votre découverte de ces nombreux crimes, tous sur des femmes, dans un même quartier, une série de meurtres. En 2010, vous débarquez donc à Los Angeles, l'arrestation du serial killer est récente, vous découvrez un article dans LA Times, vous rencontrez une journaliste, Christine Pelissek, qui a sorti l'affaire, puis vous faites votre propre enquête, et vous publiez un papier dans Grazia, puis un documentaire pour 13e rue. C'est quoi la genèse de cette histoire? Je veux dire, comment vous l'avez découverte et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes jeté presque à corps perdu dans cette enquête? Écoutez, moi je venais de m'installer, je décidais de m'installer à Los Angeles, donc j'étais dans un moment un peu particulier pour une journaliste. Je cherchais un petit peu des histoires partout. J'ouvre le LA Times par hasard et je tombe sur ce titre incroyable. Le serial killer a été trouvé par une tranche de pizza. Oui, effectivement. C'est complètement farfelu, complètement intrigant. Je lis l'article et là, je suis encore plus impressionnée et je me dis qu'il y a forcément une histoire complètement dingue à raconter. D'abord, juste sur la façon dont cet homme a été finalement appréhendé et puis ensuite, après, en découvrant à quel point ça a mis beaucoup de temps pour le trouver, le fait qu'il ait pu tuer pendant 25 ans. Sans qu'on ait vraiment cherché à le trouver. C'est ce qui nous frappe toujours hein, dans ces histoires de serial killer, c'est le temps pendant lequel il sévissait, pendant lequel soit on n'arrive pas à le choper, parce que parfois c'est compliqué, ouais. Soit la police n'y met pas tous les moyens. Alors, je vais lire un passage de votre livre, ouais. Puisque une fois que vous faites cette enquête, vous décidez d'écrire un livre. Et c'est jamais anodin d'écrire un livre. Et vous dites... Je décide d'écrire ce livre pour retourner enquêter à South Central, pour savoir ce qui s'est passé depuis que l'auteur a été arrêté, pour comprendre ce que cela voulait dire d'être une femme noire à Los Angeles dans les années 80 et 90, quand Lonnie Franklin J.R. sévissait sans être appréhendé. Ça nous renvoie à ce qu'on disait. Je voulais comprendre pourquoi il n'a pas été arrêté pendant si longtemps, si la police a vraiment essayé, si la police était raciste, et si elle l'est toujours, si aujourd'hui encore, ce genre de crime pourrait exister. Et puis surtout, j'écris ce livre pour ces femmes, les 10 victimes de la liste de Christine Pelissek, celles dont le meurtrier a été jugé et condamné à la peine de mort, mais aussi toutes celles que Lonnie Franklin J.R. aurait aussi tuées, qu'on a pas retrouver celles qui ont disparu, celles qui étaient sur les photos, les évanachides, toutes ces femmes, comme évanescent, hein, ouais. Toutes ces femmes qui se sont évanouies, se sont évaporées sans que personne, enfin, la société, ne cherche vraiment ce qui avait pu leur arriver. Donc là, on est dans un travail de journaliste, ouais. C'est une journaliste investie dans l'histoire, et vous assumez cette position-là. Oui, bien sûr. Moi, j'habite depuis 8 ans à Los Angeles, 7 ans quand je lance cette enquête. Et je suis dans un moment qui est très particulier pour l'Amérique et pour n'importe quelle personne qui habite à Los Angeles. C'est que Trump vient de passer. La bubble vient d'exploser. C'est-à-dire, c'est ce petit monde très confortable dans lequel tous les blancs un petit peu intellectuels pouvaient être très bien et penser que tout allait bien. Barack Obama était élu. Hillary Clinton allait continuer. Et on pensait qu'on allait pouvoir être dans un monde un peu sûr. Et j'ai décidé, entre autres, de découvrir ce quartier parce que je me suis rendu compte que j'étais dans un monde complètement fermé et qu'il y avait des choses très importantes qui se passaient à côté de moi auxquelles voilà, il fallait que... des histoires qu'il fallait que je raconte, quoi. Et j'avais envie de parler de victimes, justement. Ouais. Parce qu'on parle toujours du tueur en série. On est toujours fasciné par le tueur en série. C'est vrai que c'est l'ogre, c'est ce monstre qui nous fait peur quand on est petit. Moi, ce que j'avais envie de comprendre surtout, c'est pourquoi il y a eu des victimes et est-ce qu'on les a protégées? Pourquoi est-ce qu'on les a pas protégées? Et pourquoi il y en a eu encore? Et est-ce qu'elles sont encore, voilà, comme je le dis, est-ce qu'il y a encore possibilité pour que des monstres pareils continuent de sévir dans un quartier comme ça, central? Vous avez des réponses à ces questions-là? Oui, il faut lire le livre. Et ben voilà, mais c'est fait. Mais ceux qui nous écoutent auditeurs. N'ont pas lu, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, j'ai des réponses. L'une des réponses, pour moi, la plus simple, c'est une réponse très pragmatique, en fait, c'est une question d'argent. Est-ce qu'il y a du racisme? Oui, il y a du racisme. Je pense que c'est plus du racisme, finalement... anti-pauvre et anti-noir, mais anti-pauvre, c'est-à-dire que South Central, pour moi, c'est le quartier pauvre de Los Angeles, c'est l'endroit où, quand on est noir, on était obligé d'habiter jusqu'aux années 60, et c'est un endroit qui n'intéresse pas la bonne société de Los Angeles, qu'on n'a pas envie d'aider, et qui se retrouve avec une police qui est complètement en sous-effectif, c'est-à-dire qu'il y a le même nombre de policiers à South Central qu'il y a à Beverly Hills, alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants à South Central, et beaucoup plus de problèmes. Plus de problèmes. Évidemment. Bien sûr. Heureusement que l'ADN est là quand même. Et bah heureusement que l'ADN est là, parce qu'on se retrouve avec... c'est ce qui permet en ce moment, il y a une hémorragie de serial killers qui sont trouvés aux États-Unis grâce à ça. Mais à cette époque, surtout, il y a 8 ans, quand on trouve Lonnie Franklin Jr., c'est grâce à une méthode qui est révolutionnaire, qui s'appelle l'ADN familial, qui est une méthode qui permet de retrouver un meurtrier par rapport à l'ADN de quelqu'un de sa famille qui pourrait être dans les fichiers. Donc là, en l'occurrence, donc c'est la première fois au monde qu'on a utilisé cette technique, il y a une personne de la famille de Lonnie Franklin Jr., en l'occurrence son fils, qui a été arrêté pour possession d'armes, qui donne son ADN, et grâce à ça, en fait, on se rend compte que quelqu'un de sa famille est le tueur. Ah oui. Voilà. Alors, l'assassin avait un surnom, The Grim Sleeper. Grim Sleeper. Grim Sleeper, oui, bah oui, moi j'habite pas à Los Angeles. Que veut dire ce surnom? Alors, Grim Sleeper, c'est Sleeper, c'est endormi, un petit peu comme une espèce de belle au bois dormant. Grim, c'est comme Grim Reaper. Grim Reaper, c'est la faucheuse. Ah, c'est ça que je ne savais pas. Donc voilà, c'est le killer, tueur c'est ce endormi, voilà. D'accord. C'est le tueur endormi et ça fait référence à une période très étrange dans la façon dont cet homme a tué, qui est une période où il s'est arrêté. Ou en tout cas, on n'a pas connaissance de meurtre. C'est une période qui dure un peu plus d'une dizaine d'années. Et on sait pourquoi il y a cette pause, si j'ose dire. Alors, on ne sait pas. On pense... D'abord, on ne sait pas s'il s'est vraiment arrêté, parce qu'on pense que soit il a été très fort et il a réussi à cacher les corps encore mieux, parce qu'il était visiblement très documenté, il faisait très attention à ne pas laisser son ADN. Voilà, peut-être qu'il a juste un peu vieilli, il a moins bien réussi à cacher les choses. Donc, soit c'est ça, soit c'est parce qu'il a eu très peur, parce qu'il a essayé de tuer une femme qui, et pour la première fois, c'est donc à peu près la dixième en tout cas qu'on recense, il a essayé de la tuer, elle a réussi à s'échapper. Et elle était donc vivante. Et il savait qu'elle était vivante. Ouais, donc danger, donc forcément. Donc peur de se faire prendre. Les serial killers ont tous des similitudes qui sont des rites, quasiment des rituels qu'ils suivent pour leur crime. C'est quoi le rituel de Grim Sleeper? Disons, moi, je veux pas l'appeler Grim Sleeper parce que j'ai pas envie. Je trouve ça trop glamour de donner un joli nom à un tueur en série. Pour moi, c'est juste un homme qui est un homme horrible, qui s'appelle Lonnie Franklin Jr. Donc j'appellerai comme ça après. Okay. Lui, son rite, c'était de laisser monter des femmes dans sa voiture, de les appâter souvent, soit en leur disant qu'il allait leur donner du crack, soit en peut-être pour de la prostitution, ou parfois juste pour dire voilà, je vais te raccompagner. Donc les femmes montaient dans la voiture, elles s'asseyaient, elles mettaient la ceinture de sécurité. Là, il prenait quelque chose dans la boîte à gants et il tirait à bout portant. Des femmes qui sont complètement, c'est impossible de s'échapper. Bien sûr. On est victime. Il y a deux armes en fait. Comme le tueur de l'Oise. Hein, le tueur de l'Oise en France faisait ça en 10 ans. Ouais. Incroyable. Il disait à ses victimes, attention, je vais vous faire mal. Ouais. Bon, enfin. Là, il disait rien. Et donc, ce que dit la survivante que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est qu'elle n'a même pas compris ce qui se passait en fait. Elle ne s'y attendait pas. On lui tire dessus et elle dit, mais tu m'as tiré dessus? Mais pourquoi t'as fait ça? Et il répond pas. Et elle dit, mais il faut que tu m'emmènes à l'hôpital, là. Et elle pense vraiment que c'est un accident, en fait, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il dit, ah non, ça va pas être possible. Là, elle perd connaissance. Elle se réveille dans des moments où il la viole. Elle reperd connaissance. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui, miraculeusement, l'a sauvée. On pense que c'est peut-être une voiture de police qui a passé ou quelque chose qu'en fait, où il a eu tout d'un coup peur. Et il l'a, cette seule fois, laissé sortir sa victime. Donc, il l'a jetée dans la rue. Et elle a réussi à ramper jusqu'à la maison de son amie où elle savait que peut-être il y aurait quelqu'un pour l'accueillir. Parce qu'à l'époque, South Central était un endroit tellement dangereux et cauchemardesque qu'on ne pouvait pas taper à la porte. D'un inconnu, on savait que personne n'ouvrirait. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Comment elle s'appelle, cette femme? Elle s'appelle Enietra Washington. C'est ça, voilà. Elle est très inquiète que je parle de ce livre parce qu'elle ne parle pas français. Ouais. Et elle entend qu'on parle beaucoup d'elle. Et elle a très peur parce que ça a été très difficile pour elle de parler. Ouais. Elle n'en a même pas parlé à sa famille à l'époque, à ses enfants. Ils ont tous découvert quand le tueur en série a été retrouvé. Et c'est encore quelque chose qui, 30 ans plus tard, est d'une douleur incroyable. Comment vous avez fait pour la rencontrer? Parce que, évidemment, c'est compliqué pour elle de parler de ça. Ouais, j'ai fait des cercles. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai beaucoup insisté, j'ai réussi à rencontrer des policiers qui l'avaient rencontrée, j'ai rencontré la procureure qui a été aussi très très difficile de rencontrer, et je pense que, bon, à la suite de ça, comme ça s'était bien passé, on a réussi à me mettre en contact avec elle. Mais je crois que ce qui a surtout pousser les gens à me parler, c'est justement que je suis pas arrivée en disant « je veux faire une histoire de tueur en série ». J'ai dit « voilà, je veux donner la parole à ces femmes qui marchaient dans la rue la nuit et qu'on a butées juste parce qu'elles marchaient dans la rue ». Juste voilà. Parce qu'elles étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ce qui me scandalise le plus, enfin ce que je trouve le plus scandalisé dans cette histoire aussi, c'est toutes ces femmes qui n'ont même pas su après que c'était un tueur en série qui les avait tuées. Enfin, en tout cas, les familles de victimes ne l'ont pas su. C'est-à-dire que la police le savait. La police savait qu'il y avait quelqu'un qui faisait tout le temps la même chose, qui reproduisait. Mais ils étaient tellement dépassés, ou ils pensaient que ce n'était pas nécessaire de le faire avec cette population qu'ils méprisaient, j'imagine. Ils n'ont pas dit à la population de South Central qu'il y avait un tueur en série, même plusieurs, parce qu'il y en a eu 5 à 6. Complètement irresponsable de la part de, qui tuait, ouais. De policiers. Parce qu'ils sont là aussi pour protéger, c'est prévenir. Ouais. Et dire, voilà, il y a un danger. Ouais, bon. Protect and serve, c'est la devise du LAPD, la police de Los Angeles. Cécile Delarue, vous avez écrit ce livre qui s'appelle Blackout, les disparus de South Central. C'est aussi la peinture d'un quartier, d'une grande ville américaine à un moment donné. Donc, Los Angeles, années 80. Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des changements? Quel est ce quartier? Quel est son visage? Vous connaissez bien puisque vous vivez à Los Angeles. Ouais. Alors, c'est un quartier qui a beaucoup changé. Il y a quand même beaucoup moins de violence après. Il y a toujours de la violence. Je me souviens la première fois que j'y suis allée, on m'a dit « ça va beaucoup mieux ». On entend juste parfois des tirs. Le week-end dernier, bon, il y a des gens qui se sont entretués au carrefour d'à côté. Donc voilà, ça va beaucoup mieux. C'est beaucoup moins l'enfer que ça a pu être. Et c'est d'ailleurs assez étrange de se promener dans ces rues qui sont très mignonnes. Il y a des très jolis palmiers, c'est des petites maisonnettes. C'est pas du tout l'imagerie qu'on a du quartier dangereux, du quartier un peu qui fait peur. C'est très joli, c'est des petites maisons. La seule chose qui permet de comprendre qu'il y a quelque chose d'horrible qui s'est passé et qu'il y a une époque vraiment catastrophique, c'est les fenêtres qui sont toutes protégées par des barres de fer. Une série de meurtres d'une telle ampleur sur autant d'années, selon vous, serait-elle encore possible aujourd'hui? Ou alors est-ce que la police se montrerait plus motivée? Simplement parce qu'on ne peut pas avoir deux drames comme ça l'un après l'autre, quoi. Enfin, surtout au même endroit. Est-ce qu'on est sûr de ça? Alors à Los Angeles, je ne sais pas, je pense qu'il y a quand même à LA une conscience très forte après les émeutes de 92. Il y a eu la conscience qu'il s'était passé quelque chose de très fort et de qu'il fallait pas reproduire. Les policiers, par exemple, sont maintenant en permanence dotés de caméras sur eux, ouais. Pour qu'on surveille leur travail à eux, ouais. Pour éviter tout ce qui est qu'on a pu voir avec Rodney King Jr. ou ce genre de situation. Donc je sais pas si après aux États-Unis sur la population noire. Il y a de toute façon une énorme défiance avec la police et il y a un rapport avec la police qui est encore très problématique. Il y a encore quelques jours, il y a un homme qui a été tué dans son appartement parce qu'une policière s'est trompée, a cru qu'elle rentrait chez elle. Je pense qu'elle devait peut-être... Enfin bref, elle a cru qu'elle rentrait chez elle, elle arrive dans un appartement, elle voit un homme noir, elle lui tire dessus, elle le tue. Le type était chez lui. Voilà. Donc c'est toujours un rapport très très difficile et très inquiétant. C'est toujours, quand on est noir aux États-Unis et à Los Angeles aussi, on a peur de griller un feu rouge. On a peur de dépasser la limite de circulation parce qu'on peut se faire arrêter et on ne sait pas ce qui peut se passer. Et on rappelle, c'est très important, parce que les grands troubles aux États-Unis, les émeutes, sont venus d'épisodes comme cela. C'est-à-dire entre un rapport très conflictuel, très, très compliqué, conflictuel, et du coup meurtrier, ouais. Entre la police et la population noire. Donc ça veut dire que s'il y a eu quelques changements quand même, on n'en est pas sorti, c'est ce que vous me dites. Moi, une des choses qui m'ont le plus marqué quand j'ai enquêté, c'est de me retrouver à South Central dans une réunion associative avec plusieurs personnes qui étaient là et qui réfléchissaient à la police, et une femme qui dit « ce qui serait bien, ça serait d'inventer une application qu'on pourrait utiliser pour pouvoir... quand on a un problème, appeler quelqu'un qui vienne nous aider. Parce que je ne veux pas appeler la police. Voilà. À la lumière de tout ce qu'on vient de dire, on comprend parfaitement cette phrase. Merci infiniment. Merci à vous. Cécile Delarue, Blackout, les disparus de South Central, chez Plein Jour. Merci d'être venue nous parler. Merci beaucoup. Et bon retour à Los Angeles. Merci. Au revoir.